Dieu nous baise avec des miettes, Kevin. Cause. Alors, fils d'homme, tu parles de nous. On te laisse par terre. On fait du sale, on fait des sous, je sais que tu sers. Tu veux me voir ou bien me faire. T'es pas le seul, tiens le numéro de ma secrétaire. Derrière la porte, elle est condamnée. Mais je m'en bats les couilles. Mes potos m'ont pas aidé. Mais je m'en bats les couilles. Ta salope veut me charmer. Moi, je m'en bats les couilles. Je lui ai dit que je suis marié. Elle s'en bat les couilles. Menace-moi, je te baisse ta grand-mère. J'appelle pas les ch'tis. T'es en haise. Gros, t'as pas d'ové. Je te passe pas le ch'tis. Je suis grotesque. Je suis dans une grosse caisse. Je vais appeler de phare. T'es trop fraise. Je te mets sur le net. T'as fini vers le bar. C'est Marseille. T'es rouge, vois des putes. Même à la russette. Pas Gigi. Moi, je suis pas Chicha. Sorti, je suis trop simple. Je monte au bled. Je monte à Béjaïa. Je monte à Pataya. Aïe, aïe, aïe. Dans ma wilaya. Mais en plus, y'en a. Je te sais, mais je t'apprécie pas. C'est le principal. Je suis au check. J'ai tombé si bas. J'ai tombé si bas. Mes soucis, moi, je les hack tout seul. Juste avec une balle. Je monte la pure. Je suis dans The Wire. Je suis dans Breaking Bad. Je marche serein. Sur moi, j'ai Wello. J'ai peur de dégâts. Gros dégâts. Toi, je te calcule pas. Ramène-moi quelqu'un. Pas de réalise. Et je te paralyse. Et je repars à l'aise. Réalise. Je suis comme Benzema. Je chante pas la Marseillaise. Tu parles de nous. On te laisse par terre. On fait du sale. On fait des sous. Je sais que tu sers. Tu veux me voir ou bien me faire. T'es pas le seul. J'ai le numéro de ma secrétaire.